yeux pour l'aube évaporée, la maison, le quartier pour les chiens dans la cour. Un Dieu pour les enfants qui s'éveillent devant l'écran, les chiens dans la cour. Un Dieu pour les tours qui s'écroulent, l'entrée verrouillée, le sanglot des bungalows. Un Dieu pour la gloire des coffres, l'or et l'argent, le désespoir plein les poches. In God we trust. Un Dieu pour la caissière épuisée, sa colère avalée, le comptoir qui reluit. Un Dieu pour la peau tatouée, le torse gonflé, crucifix sur le cœur. Un Dieu pour venger les morts de la veille. Un Dieu pour le flot d'injures, le pare-brise éclaté. Un Dieu pour le soleil sur la frontière à l'est de Naco. In God we trust. In God we trust. Un Dieu pour le drapeau, le rouge des étoiles, pour le vent qui se meurt au milieu du parking. Un Dieu pour le sang qui coule dans le lavabo, pour celui qui roule vers l'infini. Un Dieu pour l'officier qui attend en fixant l'horizon, son fusil, ses jumelles près de lui. Un Dieu pour Carlos qui s'étend sur l'herbe mouillée en fixant le ciel délivré. Trust. In God we trust. In God we trust. God.